Donc, on est présentement avec Nicolas Fabien Ouellette, directeur général des marchés publics de Montréal et auteur du papier Poutine Dynamics. Salut Nicolas, comment ça va? Bonjour Gabriel, ça va bien et toi? Ça va pas pire, moi je remonte la pente d'une petite maladie, mais ça, les choses deviennent de mieux en mieux. Super. Donc, ça a été quand même assez difficile t'avoir en entrevue, honnêtement. J'ai dû passer par plusieurs personnes pour te contacter. Tu es quelqu'un d'assez occupé, si je comprends bien. Bien, c'est certain que les marchés publics actuellement battent leur plein. Là. C'est la belle saison sur les marchés. Je m'occupe beaucoup à ce que ça se passe bien cette saison-là. Donc, c'est certain que je suis bien occupé, mais j'ai pu trouver du temps là, pour qu'on puisse échanger quand même sur... Bien, la cuisine en général dans les marchés et ailleurs là, avec mes écrits que j'ai pu faire sur la poutine il y a quelques temps. Je suis super content d'être avec toi aujourd'hui. Ouais, je suis content de t'avoir. Juste pour à titre d'information, directeur général, est-ce que quelque chose que tu visais ou bien tu es tombé là-dedans un peu par hasard? Ah ben pour refaire l'histoire un petit peu, c'est sûr que depuis mes travaux de la poutine que j'ai pu faire à l'Université du Vermont, rappelons-le, là, mon programme là-bas, c'était en food systems. Je voyais bien que les marchés publics à Montréal, là, parce que je voulais évidemment revenir au Québec, étaient un endroit hyper intéressant du système alimentaire québécois et montréalais où se rencontrent finalement les producteurs agricoles, les artisans, les transformateurs, les détaillants alimentaires, puis les consommateurs. Donc, pour moi, c'est vraiment... le meilleur lieu pour pouvoir œuvrer au sein du système alimentaire puis y participer en quelque sorte. Donc, c'est certain que j'avais un fort intérêt à joindre cette équipe-là. Donc, ça fait 5 ans que je suis dans l'équipe, là, puis 2 ans et demi à la direction générale. Et bien heureux là, de pouvoir offrir ce service-là au Montréal et au Montréal. Ouais, je pense qu'on est quand même bien choyé dans une région métropolitaine quand même assez grande comme ça, d'avoir un marché public à comme échelle humaine un peu, là. Bien, totalement. Et puis, c'est exactement notre vision. Puis, je crois qu'il y a une grande fierté, en fait, à Montréal par rapport au réseau des marchés publics. Le marché Jean Talon, le marché Atwater, le marché Maisonneuve. Ma grand-mère allait magasiner au marché Maisonneuve à l'époque. C'est des marchés, puis une dizaine de marchés de quartier également. C'est un réseau qui est bientôt centenaire. On a à Montréal quelque chose qui fait l'envie, d'ailleurs, en termes de marché public. On a plusieurs centaines là, de membres chez nous, des marchands qui, depuis plusieurs générations, nous offrent leurs meilleurs produits. Donc, on a vraiment de quoi être fiers de ce réseau-là. Puis moi, je suis bien fier d'y participer à l'interne. Là. Je n'avais pas réalisé que c'était presque centenaire comme réseau. Oui, pour plusieurs marchands Atwater, marché Jean Talon, ils ont été construits en 1933. Donc, ça s'en vient. Puis le marché Maisonneuve, je ne l'ai pas sous les yeux, mais de mémoire, c'est 1918 environ, ou sinon 1924 qui a été inauguré. Il y en a qui sont encore plus vieux, là, le marché Bon Secours, le marché de la Chine. Mais ceux qui sont encore en meilleure activité, disons, là, qui sont extrêmement dynamiques, évidemment, bien, on les connaît tout le monde, pas juste à Montréal, mais au Québec, le marché Jean Talon, le marché à Trois-Deux, puis le marché Maisonneuve. Oui, c'est super intéressant. C'est vrai que l'immeuble du marché Maisonneuve, il y a comme un... Architecturalement, il est intéressant aussi. Ben oui, c'est style Beaux-Arts. C'est de l'époque, justement, de la cité Maisonneuve, là, avec le Bain Morgan, puis les autres bâtiments de cette époque-là qui restent toujours, là, avant que ce soit annexé, disons, à Montréal. Et ben aujourd'hui, ils ont toujours une fonction assez cruciale là, dans le quartier. Notamment le marché qui est toujours présent avec une dizaine là-bas de marchands qui viennent offrir leurs meilleurs produits. Donc, c'est vraiment un marché intéressant qui a énormément de potentiel justement là, pour les prochaines années avec le regain du mouvement achat local qu'on peut voir là, depuis la COVID depuis quelques années. Là. Ah ouais, hein? Il y a des plans qui s'en viennent avec ça. Bon, on a toujours l'intérêt à offrir encore plus d'opportunités pour les entrepreneurs de l'alimentaire à venir commercialiser en direct au public, finalement. Donc, on a un pôle au nord de la ville qui est Jean Talon, un pôle plus au sud-ouest avec Atwater, le pôle de l'est qui est le marché Maisonneuve, là, a tout à gagner pour qu'on puisse y mettre, disons, tous les efforts là-bas pour que ça aille de mieux en mieux. Ça va bien, mais je pense que c'est lui qui présente le plus de potentiel. Mm-hmm. Ah, on pourrait probablement en parler pendant longtemps, là, parce que je trouve que c'est super intéressant. Mais je t'ai invité ici pour parler un peu de ton article, que t'as, ben, plutôt comme un papier que tu as écrit quand tu étais à l'Université du Vermont en Food Systems. Juste à titre d'information, Food Systems, c'est quoi exactement comme champ d'études? Ouais, ben ça mélangeait en fait plusieurs champs, plusieurs pratiques. Tant du côté de la production, il y avait des étudiants qui regardaient la production, par exemple, vegan, comment est-ce qu'on fait une production sans intrants animaux, par exemple. D'autres qui regardaient comment améliorer la filière du porc aux États-Unis. Il y en a que c'est plus en food studies, donc notre rapport peut-être plus culturel, socio-culturel à la bouffe. Qu'est-ce que ça signifie pour certaines cultures, certains groupes, certains éléments culturels versus d'autres. Il y avait tout le volet surtout, puis ça, je trouvais ça hyper intéressant, puis c'est ce qui m'a amené aussi à travailler pour les marchés publics, c'est le développement économique des communautés par la production alimentaire, puis par la consommation également. Donc, comment est-ce qu'on s'assure qu'un système alimentaire ait les meilleures retombées pour une communauté? Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle transdisciplinaire. Puis, il y avait donc différents départements qui travaillaient ensemble parce que l'alimentaire, c'est vraiment complexe à cerner. Puis, il y a beaucoup d'effets, finalement, de cause à effet à prendre en compte. Donc, c'est un petit peu tout ça qui est en jeu là, quand on parle de food systems. Puis, je suis super, super content d'avoir eu l'occasion de faire ce programme-là au Vermont suivant mon baccalauréat au campus McGill de l'Université McGill, là. Ça a pu donner un peu une perspective qui est peut-être juste à 2 heures de route, mais qui est dans un autre monde totalement. Donc, on peut prendre les bons coups et les ramener ici, là. Ah ben oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressemble à ça ici comme programme? Est-ce que tu es au courant de ça ou c'est vraiment quelque chose qui est unique à l'Université du Vermont? Parce que ça me semble quand même assez intéressant, assez holistique là, comme manière d'approcher l'industrie de la nourriture, la culture. Tout à fait. Lorsque je cherchais un programme de ce type-là, il n'y en avait pas de comparable au Québec. Je crois que ça a pu se développer depuis, peut-être plus dans ce qu'on appelle Food Studies. J'en ai vu quelques-uns, beaucoup avec le rapport historique de la gastronomie Concordia à l'UQAM. Mais c'est peut-être un petit peu plus segmenté comme champ d'études ici. Mais je pense qu'il y a plusieurs départements finalement qui vont s'occuper d'étudier tous les volets de la nourriture, là. Mais je pense que encore aujourd'hui, c'est le Vermont de mon côté qui est, disons, le standard pour évaluer ces enjeux-là. C'est intéressant quand même parce que tu as produit un article quand même assez complet sur l'idée de la poutine, avec une couple d'idées dedans qui sont un peu nouvelles. C'est quoi exactement un peu ta relation avec la poutine? Pourquoi l'intérêt de... C'est quoi ta relation personnelle avec? Ben, j'ai d'abord mentionné que l'intérêt d'écrire sur la poutine est venu justement lorsque j'ai mis les pieds au Vermont et que tout le monde du programme, qui était évidemment bien intéressé par tous les aspects gastronomiques que les cultures peuvent avoir, de me rencontrer, savoir que je venais du nord de la frontière, disons, puis de me parler de la poutine parce qu'elle connaissait la poutine. Puis il m'en parlait d'une drôle de manière, je trouvais, lorsqu'il disait justement que c'est un plat typiquement canadien. Ça sonnait un petit peu faux à mes oreilles, disons. Et c'est là que j'ai voulu explorer pourquoi est-ce que ça sonnait faux. Puis ben, pour ce qui est de ma relation avec la poutine, je pense que c'est la même qu'à peu près tout le monde au Québec, là, peut-être de ma génération. Mais moi, j'ai grandi avec le virage santé dans les écoles, puis même dans les arénas. Donc, c'était un petit peu le mets proscrit associé beaucoup à la malbouffe. Il y a toute une histoire finalement derrière ça, puis on y reviendra peut-être plus tard, Gabriel, là, mais la poutine fait remonter des sentiments un petit peu de honte pour une certaine génération avant moi, là. Et de mon côté, ben, c'était plutôt de la valoriser en fin de soirée. On va la manger, notre poutine, puis quand on visite aussi toutes les casse-croûtes du Québec, peu importe où qu'on va faire du camping ou on va faire un road trip, ben on s'arrête pour goûter, pour trouver la meilleure, où est-ce qu'elle se trouve, là. Donc, je pense pas être spécial comparativement à tout le monde au Québec. Je sais pas, toi, de ton côté, comment tu la vis, ta poutine? Mais moi, j'en mange pas énormément, mais tu sais, des fois, tu as un goût. Tu veux manger de la poutine, puis pas nécessairement juste comme éponge à alcool, tu sais, comme il est mentionné dans l'article, que c'est quelque chose qui arrive souvent, tu sais. C'est quelque chose qu'on va manger le soir après être sorti avec des amis, puis c'est quelque chose qu'on utilise pour comme se repatcher l'estomac, qui est dans une toune fameuse, il en parle de ça. Mais moi, je vis la poutine comme un genre de craving qui arrive de temps à autre, puis c'est. Des fois, c'est d'essayer d'avoir la meilleure possible, ou des fois, c'est juste d'être capable d'avoir celle que tu peux avoir sous la main, même si elle est pas très bonne. Comme titre d'exemple, la poutine du Burger King sur Crémazie. Oui. Ben, puis un aspect que beaucoup, je pense, de gens se recoupent, c'est un plat qui est très social. Souvent, on va en manger en gang, la poutine, puis on va même souvent prendre le plus gros format puis la partager pour que tout le monde puisse y goûter. Ça, c'est un aspect qui est festif, qui est vraiment intéressant de la poutine. Tout ça pour dire que je pense de la vie comme tout le monde au Québec, puis ça s'ancre vraiment dans notre gastronomie, dans la façon qui distingue notre cuisine là, de d'autres, finalement. C'est vraiment la poutine, le fromage en grains qu'on retrouve dans n'importe quelle épicerie, n'importe quel dépanneur, au comptoir directement, frais du jour. Tout ça nous distingue énormément. Ouais, c'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'il y a comme un aspect culturel, un fait culturel québécois, qu'il y a beaucoup de notre nourriture ou de notre gastronomie qui provient d'un genre d'aspect plus maison, plus grande famille. Je sais pas exactement comment le dire, là. Donc, c'est certain que la gastronomie qui pourrait être nationale ou régionale, il y en a plusieurs à l'époque qui étaient dans les livres de recettes, par exemple, et qui se recoupent d'une famille à une autre, puis on partage finalement ces habitudes-là culinaires. Mais il y en a d'autres qui se développent aussi dans les restaurants ou de d'autres façons que dans les familles. Puis, ben, c'est ce mélange-là un petit peu, là, qui, dans nos habitudes alimentaires, la façon d'aborder la nourriture qui peut nous définir. Puis, on le voit un petit peu partout, là. En Asie, la nourriture de rue, c'est très, très fort. Évidemment, ils cuisinent à la maison, mais ce qui distingue beaucoup aussi, c'est toutes les mets qu'on peut manger, le street food dans la rue, dans les marchés, etc. Donc, il y a effectivement toutes ces dynamiques-là qui sont en jeu lorsqu'on veut définir une cuisine ou une gastronomie. Quand tu parles de l'aspect social, il y a aussi l'espèce d'échange d'idées que tu as avec tes amis, comme quand tu en parles dans le papier, tu l'as mentionné, c'est essayer de trouver la meilleure poutine, mais c'est aussi l'analyser. Comment est-ce que la sauce est, la qualité des patates, la fraîcheur du fromage? Ben, puis c'est plein d'aspects qui, dans l'article, ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le lire, je viens couvrir en fait sur qu'est-ce qui fait en sorte que la poutine, c'est autant bon. Puis un aspect qui ressort de l'analyse, c'est que c'est un mets qui est extrêmement fort en ce qu'on appelle du contraste dynamique. Et c'est quoi le contraste dynamique? Ben, c'est ce qui fait qu'une crème glacée, c'est bon. Ça évolue dans la bouche, la texture. C'est ce qui fait que une boisson gazeuse, on aime ça. Les bulles aussi évoluent quand on savoure notre boisson gazeuse préférée. Les mets qui sont acides ou qui sont avec des qui sont piquants créent cet effet-là. Pour ce qui est de la poutine, ben évidemment les frites qui sont croustillantes, le fromage qui fait squish squish qui est à une autre température que les frites. Et la sauce qui vient lier le tout puis qui fait évoluer le mets, c'est ce qui distingue un petit peu le plat puis qui rend ça autant intéressant. Puis évidemment, c'est ce qu'on va analyser entre amis ou en famille, ou peu importe avec qui on partage le mets, à savoir pourquoi est-ce qu'il est meilleur que l'autre. Bon, on va regarder le fromage. Il est-tu frais? Est-ce qu'il fait vraiment squish squish? Les frites sont-tu molles? Sont croustillantes? Ils restent-tu croustillantes longtemps? La sauce est-tu bonne aussi? Donc, il y a plein d'éléments comme ça. Puis au Québec, je ne sais pas si tu sais, Gabriel, mais on le fait entre amis, mais il y a même des groupes sur les médias sociaux qui les évaluent, ces poutines-là, partout au Québec. Chaque jour, on envoie les amis de la poutine, qui est un groupe. Il y en a d'autres aussi qui suivent puis qui évaluent. Il y a des personnalités publiques, des personnalités qui deviendront peut-être publiques parce qu'on l'a vu récemment, quelqu'un sur TikTok en a essayé plusieurs dizaines dans une journée, puis ça a pu en mettre une sur la map récemment, là, qui est un producteur de patates en plus, qui est dans un marché public, je crois, au marché Godefroy. Donc, bravo à eux. Et donc, tout ça pour dire que c'est ces éléments-là qui vont être regardés, là, lorsqu'on analyse comment est-ce que la poutine, elle est bonne comparativement à une autre. Je pose la question comme ça, est-ce qu'il y a comme une manière idéale de recevoir une poutine? Parce que moi, je me souviens, dans le sous-sol chez les amis, on se commande une poutine, puis quand tu reçois une poutine de commande à l'auto, ou ben, au fait commander d'un restaurant qui t'est livré, ben là, les frites sont plus croustillantes, le fromage est plus, t'es rendu fondu. Est-ce qu'il y a comme un idéal pour manger la poutine? Ben, le bon truc le bon vieux truc, je devrais dire, quand on commande pour emporter, c'est de demander d'abord la sauce à part, mais même le fromage à part aussi, pour avoir les trois éléments les plus intégrales possibles lorsqu'on les assemble à la maison. C'est jamais parfait, là. Le mieux, c'est de manger vraiment directement sur place, mais s'il faut emporter, au moins de remplacer, plutôt de demander à ce que ce soit segmenté les frites, le fromage, puis la sauce. Là. Parce que c'est ça, c'est la fraîcheur comme de l'agencement des éléments qui font en sorte que la poutine est bonne. Tout à fait. Ça va complètement marquer l'expérience. Puis c'est là qu'il y en a qui se démarquent. J'en connais pas beaucoup des casse-croûtes qui feraient ça, mais des restaurateurs peut-être qui mettraient le fromage en grain au réfrigérateur, ben, il va perdre sa fraîcheur, il va perdre sa texture, puis on risque de perdre la bonne poutine avec ça. Ouais. Parce que j'ai des membres de ma famille qui je disais comme, ah oui, je vais parler de poutine à mon émission bientôt, tu sais, puis l'aspect dynamique, c'est super intéressant, tu sais, les frites croustillantes, puis tout ça, puis comme un membre de ma famille qui était là, les frites, c'est jamais croustillant dans une poutine, c'est toujours mou. C'est comme, ben, pas si tu l'as de manière fraîche. Et puis pas si tu sais aussi la manger avec le bon ratio de sauce, le bon ratio de fromage, puis à un tempo suffisant pour pas te retrouver à la fin avec une frite sauce molle. Mais c'est sûr que plus le temps passe, plus les frites se ramollissent. Mais ça rend la chose intéressante. Mais d'abord, il faut que les frites soient fraîches, croustillantes, évidemment. Il y a tout comme un aspect artistique, un art de manger de la poutine qui est insoupçonné. Ben, c'est ce qui fait le plaisir d'échanger avec tout le monde une poutine, puis que tout le monde ait sa poutine préférée, sa façon de le faire. C'est ça qui est intéressant avec la nourriture, c'est que ça rassemble, ça fait jaser, puis on passe du bon temps en famille puis en amis. Quelque chose qui m'avait vraiment marqué, puis j'avais trouvé super intéressant dans ton papier, c'est justement l'aspect dynamique de la poutine, comment tu le décomposes, puis tu t'en vas à ces éléments les plus, mettons, abstraits ou de base, que c'est pas nécessaire. Une poutine n'existe pas nécessairement à cause de. Je sais que là, c'est quelque chose de controversé, là, ça n'existe pas nécessairement à cause de frites ou de fromage ou de sauce, mais c'est les éléments dynamiques qui reviennent ensemble pour justement comme donner l'aspect de la poutine. Et dans l'article, tu dis que ben, une poutine, c'est un mets, c'est pas nécessairement, c'est une classification de mets, c'est pas nécessairement le mets comme tel. Oui, puis je suis allé jusque-là pour les raisons suivantes, c'est que l'explosion des différents types de poutine ou comment est-ce que les chefs ou les cuisiniers à la maison apprêtaient le plat, on voyait tellement de nouvelles d'originalité là-dedans que c'était plus des frites avec des pommes de terre, non, c'était rendu du panais, c'était rendu une poutine aux pierogies, c'était rendu des poutines avec plus du fromage, toujours en grains, mais avec d'autres choses. Les sauces, c'était plus la sauce brune classique, c'était rendu des curries. Il y avait de la viande au travers, etc. Donc, pour reconnaître quand même que ça demeurait des poutines, il fallait qu'on puisse analyser toutes ces variations-là, toutes ces adaptations du mets qui sont hyper intéressantes à voir pour que le mets puisse continuer à évoluer, puis que ça ne soit pas confiné juste dans sa forme classique. Bon, on en connaissait des plus classiques quand même transformés ou adaptés comme la poutine italienne et j'en passe. Mais donc, quand même, toutes ces adaptations-là ont mené à proposer finalement une définition de la poutine qui n'est pas juste frites, sauce brune, puis fromage, squish. C'est que ça allait au-delà de ça pour inclure finalement toutes les adaptations qui étaient faites On le voit beaucoup à Montréal. Une poutine au griot, ben oui, c'est de la sauce griot, qui est un mets haïtien. Oui, il y a la viande du griot, ben, mais ça reste une poutine. Il ne faudrait pas dire que ce n'est pas une poutine parce que ce n'est pas classique. Pour inclure tout ça, il y a une définition qui a été proposée pour effectivement dire qu'une poutine, ben, ça pourrait ressembler finalement à une catégorie autant qu'une soupe, un sandwich, une salade, ou encore des dumplings. C'est ça, tant que les éléments, genre, comment je pourrais dire ça, constitutionnels d'une poutine, donc l'aspect croustillant, l'aspect plus mou qui donne le contraste dynamique et le liant, ben là, t'as l'idée d'une poutine. Oui, puis après, on peut en parler longuement, puis on peut même en débattre tout le monde ensemble. C'est des débats qui ont lieu dans le monde culinaire à chaque jour. Puis je pense que tout le monde aura vu passer au moins une fois les débats, fameux débats comme est-ce que le hot dog c'est un sandwich ou non, ou encore un autre fameux débat, est-ce que une Pop-Tart c'est un ravioli ou non. Ben, quand on regarde les définitions de Pop-Tarts ou de sandwich, ben, on peut avoir une position bien tranchée là, sur l'un ou l'autre. Donc, il pourrait avoir des débats sur est-ce que c'est une poutine ou non. Puis dans l'article, ça venait proposer une définition pour faire avancer un petit peu la recherche très sérieuse qui se produit sur la poutine. Ben moi, je trouve ça intéressant de définir comme un mets comme tel, parce qu'il y a, y a, y a peut-être quelque chose ici qui est, moi j'utilise le mot insoupçonné. C'est pour nous autres, une poutine, t'sais, ben, t'sais, c'est quelque chose qu'on a dans un stand à patates ou qu'on va manger tard le soir, mais il n'y a pas vraiment grand-chose d'autre qui ressemble exactement à ça à travers le monde, t'sais. Ah, c'est totalement unique. Puis donc voilà, c'est ce qui nous distingue, ou un plat qui nous distingue, du moins. Il y en a plusieurs d'autres, je crois qu'on pourrait évaluer, là, mais on se concentre sur la poutine aujourd'hui, puis c'est vraiment ce qui nous distingue d'ailleurs. Donc, je pense qu'il faut la valoriser, lui redonner un petit peu ses lettres de noblesse. Juste petite parenthèse, je sais que j'ai des amis qui vont être au septième ciel de t'entendre parler de est-ce qu'un hot dog c'est un sandwich? J'ai des amis qui. Moi, je ne prendrai pas de position là-dessus aujourd'hui. Je suis ici plus pour la poutine, mais je peux dire que c'est des débats super intéressants. Puis tes amis, ils ont très raison de déchirer leur chemise sur le sujet. Je pense que c'est important de discuter de ce type d'enjeux-là autour d'une bière, puis autour d'une poutine ou d'un hot dog, là. Je pense que ça vient toujours animer une soirée. Mais voilà, oui. Ah, clairement. Puis en passant, une Pop-Tart, c'est un calzone. Fait que. Ah bon, ben voilà. C'est dit. Il y a un aspect aussi intéressant, c'est l'idée de la mobilité sociale de la poutine. C'est un mets qui a pas toujours eu ses lettres de noblesse quand même. Non, puis on le voit dans plusieurs autres cuisines, plusieurs autres mets de d'autres cultures, de d'autres cuisines. Des exemples assez fameux sur le sujet, ben on peut penser au sushi, hein, le sushi qu'aujourd'hui on associe comme étant probablement un des mets les plus distingués qui soit, associé évidemment bon, à la culture japonaise, mais ça n'a pas toujours été le cas. Hein, rappelez-vous, Deuxième Guerre mondiale, les Japonais aux États-Unis étaient identifiés comme étant pratiquement des monstres sanguinaires qu'il fallait à tout prix emprisonner. Et ben, à l'époque, le poisson cru, c'était une façon barbare que de consommer ce poisson. Et d'autres types de mets comme ça, là, qu'on peut penser au kimchi pour la cuisine coréenne, ou qui était répugnant à l'époque, l'ail pour les Italiens, etc., etc. Tout ça montre que finalement, ce n'est pas tant le mets en tant que tel ou le poisson cru qui pouvait poser problème, mais c'est comment certains groupes sont perçus par d'autres groupes. Avec ce qu'on peut appeler le capital social, où ben, les Japonais à l'époque n'étaient pas perçus comme étant les personnes de business qu'on connaît, qu'on associe aujourd'hui plutôt. Les Italiens étaient perçus d'une autre manière dans les vagues d'immigration aux États-Unis, qui étaient perçus comme étant peut-être moindres malheureusement, mais plus leur capital social, plus ces groupes-là se sont légitimisés dans la société ici, dans les sociétés d'ici. Plus leurs mets ont été finalement également valorisés. Donc, c'est une dynamique qui a été étudiée là, avec plusieurs mets, plusieurs groupes, qui fait en sorte que c'est pas nécessairement qu'on n'aime pas le produit des fois, mais c'est peut-être d'autres dynamiques derrière qui nous amènent à préférer un produit sur un autre, ou dire que tel mets, comme le sushi, serait meilleur ou plus prestigieux qu'un autre. Alors que ça reste du poisson, du riz, puis une façon de l'apprêter. Dans ce que tu dis à propos de la mobilité sociale des aliments, il y a l'aspect de un groupe qui est perçu par un autre comme étant soit moindre ou dangereux. L'affaire qui est intéressante avec la poutine, c'est que je sais pas si pour le sushi ou pour le kimchi, c'était quelque chose qui était un aspect pour que le Coréen ou le Japonais lui-même, il se sentait mal d'avoir cet aliment-là. Contrairement à, mettons, la poutine. Il y a l'idée que on avait honte d'un peu de manger ce mets-là. On avait honte de manger ce mets-là, mais probablement pour des raisons similaires. C'est-à-dire que dans l'article, là, ce que je vais répertorier, c'est beaucoup le travail d'un chercheur avant moi qui a travaillé sur la poutine, là, qui est M. Théoret, qui a regardé les caricatures dans les journaux au Québec sur comment la poutine était perçue. Puis c'était vraiment, là, quasiment, il y avait des caricatures sur l'appel de la race. Là, quand on parlait dans le temps du référendum, où il y avait même une caricature avec le mets, c'est quoi le pire mets jamais inventé de l'histoire de l'humanité? C'était le haggis qui est un mets écossais, puis finalement, ce qui était représenté, puis quelqu'un d'autre qui disait non, non, c'est pas le haggis, vous avez jamais goûté la poutine pour dire que c'est le haggis. Tout ça pour dire qu'à cette époque-là, jusque finalement le milieu des années 2000, la poutine, il y avait effectivement une certaine honte. Pas parce que le mets est nécessairement mauvais, parce qu'on le voit bien, tout le monde l'adore, mais c'est plutôt probablement comment est-ce que la société québécoise était représentée et se représentait face aux autres, qui venait la diminuer finalement par la poutine. Donc c'est ce travail-là qui a été utilisé quand même pour venir expliquer là, les enjeux sociaux, les enjeux politiques également qui sont derrière l'évolution de comment est-ce qu'on apprécie ou non ce mets-là qui est la poutine. Puis probablement que ce qui est amené dans l'article finalement, c'est qu'à mesure que la société québécoise prenait du galon, ben sa poutine en prenait aussi. Puis aujourd'hui, tellement fortement que tout le monde veut en manger puis la découvrir, c'est peut-être signe que ça. La société québécoise a gagné du galon dans les dernières décennies. Non, mais j'aimerais noter quand même qu'en regardant ces caricatures-là, c'est quand même assez choquant de voir. T'sais, la poutine, me semble que t'sais, c'est bon, là. Puis la caricature sur le haggis, clairement, ils n'ont jamais goûté à la poutine. Je veux dire, comment peut-on dire que c'est un des pires mets au monde? Puis c'est l'histoire récente aussi, quand même, là. Ça date pas de là, comme 50 ans, là. Non, mais c'est des dynamiques qu'on peut voir encore au quotidien, là. De notre côté, n'importe quel nouveau mets qu'on va essayer, finalement, je pense qu'on se questionne à savoir pourquoi est-ce qu'on aurait un a priori qui pourrait être négatif s'il y a tout plein de gens d'une autre culture qui le consomment, ça doit être bon quelque part. Pourquoi est-ce que on aurait des a priori négatifs? Qu'est-ce qui nous rend réticents? Je pense qu'il faut faire un petit peu la part des choses, puis y aller, puis goûter finalement pour voir, découvrir d'autres mets. Je pense que c'est toujours à garder en tête finalement lorsqu'on découvre d'autres cultures. Ton papier commence avec une histoire quand même assez saugrenue, l'idée que la poutine a été servie à la Maison-Blanche pendant un souper d'État, je pense. Bien, tout à fait, ça a été servi là, lors de la première rencontre entre le président des États-Unis de l'époque, qui était Barack Obama, et le premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau. La chef de la Maison-Blanche avait préparé une adaptation de la poutine pour être servie lors de ce souper-là. C'est vraiment intéressant justement de voir un mais qui était à connotation autant négative, se faire tout son chemin finalement jusqu'à être servi dans un lieu comme la Maison Blanche. Ce que je viens de soulever finalement, c'est que c'est un moment assez charnière pour la Poutine où vraiment il est sur la grande scène culinaire et politique, là. Donc, c'est un moment intéressant là, dans la vie de la Poutine. Ouais, c'est ça, c'est assez prestigieux de se ramasser à la Maison Blanche parce qu'il y a comme tout un aspect symbolique aussi lié à ce souper-là, tu sais. Ben exactement. Puis parallèlement, ben c'est là que on peut voir comment est-ce que des mets ou des cultures sont représentées à l'international. Donc, évidemment, c'était un mets qui met la Poutine sur la map, si je peux dire, mais qu'il fait de quelle façon? Ben c'est grandement associé au Canada, peut-être moins à la culture québécoise. Donc, c'est une occasion pour la culture québécoise ici de peut-être de briller d'une certaine manière, mais ça a été un jalon qui a dit, OK, la Poutine est là, qu'est-ce que ça représente avec son histoire? Qu'est-ce que ça représente pour la suite? Comment est-ce qu'il faut la présenter? Fait que ça a été un petit peu l'étincelle qui a pu, disons, lancer mes recherches là, sur toutes ces dynamiques-là. Juste avant de continuer avec cette idée-là de la Poutine à la Maison Blanche, comme la canadisation de la Poutine, je voulais juste savoir à quoi qu'elle ressemblait cette Poutine-là à la Maison Blanche, parce que c'est pas comme un paquet de frites avec une sauce brune puis du fromage Quick-Quick, là, c'était quelque chose d'autre. Non, je pense que ça a été plus mis comme des croquettes à tremper. J'étais pas présent, là, je dois dire, là, mais les photos que j'ai pu voir, c'était adapté vraiment plus comme une mise en bouche, là, un amuse-gueule qui rappelait la poutine, mais ce n'était pas nécessairement dans sa forme classique, loin de là. Mais reste que les titres étaient que la poutine avait été servie, les titres des journaux, là, la poutine avait été servie à la Maison Blanche. Ouais, c'est comme une adaptation haut de gamme de la poutine, comme un genre de mets un peu déconstruit et reconstruit, j'imagine. Tout à fait, tout à fait. Là, la question, c'est est-ce que les aspects dynamiques étaient présents, t'sais? Ben, encore une fois, il aurait fallu que je puisse goûter, mais je suis certain quand même que oui. Cela dit, je suis pas mal certain que la poutine classique doit être quand même la meilleure forme pour la consommer. Ce sera peut-être à voir pour dans d'autres dîners d'État éventuels, là, mais oui, je pense que la forme classique devrait battre à plat de couture la forme de haute gastronomie, là, entre guillemets. Donc on l'a mentionné déjà un peu, je l'ai dit tantôt, la canadisation de la poutine, parce que l'idée c'est que à la Maison Blanche, c'était servi comme un mets canadien et non pas quelque chose de québécois qui provient du centre du Québec. Moi, Oui, vas-y. 100%. Puis en fait, c'était dans ces années-là, la nouvelle façon de présenter la poutine. La poutine qui, on l'a dit plus tôt, était plutôt associée à la honte, puis était ridiculisée et comme mets, mais était aussi utilisée pour ridiculiser la culture québécoise par certains. Tout d'un coup, ça commençait, la poutine, à être trendy, qu'on dit en anglais, donc commençait à être populaire, pas juste au Québec, là, ailleurs, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, au Canada. La poutine faisait parler. Les gens commençaient à, disons, se souhaiter Happy Canada Day avec des représentations de poutine avec des poutines. Ça rentrait progressivement dans l'identification des traits canadiens. Donc, on le voyait un petit peu partout. Puis, bien, à la Maison Blanche, ça n'a pas fait d'exception nécessairement. C'était pour souligner ce qui voulait être un trait canadien. De façon maladroite, mais c'était l'idée. Ouais, je me souviens j'écoutais un podcast de Donjons et Dragons qui était produit au BC. Non, pas au BC, en fait, c'est aux États-Unis, donc dans l'État de Washington. Puis la productrice du groupe, c'était une femme de la Colombie-Britannique. Donc là, les membres du groupe qui joue à Donjons et Dragons sont là, ah oh ouais, notre productrice, là, elle vient du Canada, man. Là-bas, ils ont de la bonne poutine au BC. C'est choquant quand même de voir que pour eux autres, dans l'État de Washington, la poutine, c'est quelque chose qui vient de la Colombie-Britannique. C'est juste comme l'autre bord de la frontière. Puis Ça n'a aucun rapport avec, mettons, ses origines québécoises. Ben, moi, de mon côté, depuis évidemment l'article que j'ai publié, j'ai fait énormément d'entrevues sur le sujet, puis j'ai pu être exposé à différentes visions sur la chose. Mais ce qui est important de rappeler, je pense, c'est correct d'en cuisiner de la poutine. Là. Tout le monde peut le faire, puis il y en a sûrement de la très bonne partout où qui peut avoir du fromage en grains. Les régions productrices de fromage en grains, évidemment, on est une grande au Québec. Il y en a au Wisconsin aussi. Au Vermont, il y avait des places pour le trouver. J'en ai vu, je pense, en Floride, qui font leur propre fromage en grains pour apprêter la poutine. Je suis certain qu'il peut y en avoir de la très bonne. Il y en avait de la très bonne au Vermont. J'ai jamais vu de comparable à ce que j'ai pu goûter au Québec, je dois le dire. Mais c'est bien correct qu'il y en ait de la bonne au BC. Est-ce que c'est des Québécois là-bas, en plus, qui la font? Peut-être, peut-être pas. Puis dans tous les cas, ce qui est important, puis on y vient ensemble, là, je pense, mais c'est de se rappeler ce contexte-là, puis de faire rayonner la culture dans laquelle la poutine s'ancre réellement, ce qui est ben, la culture québécoise finalement, puis que c'est un mets québécois. Donc, oui, la bonne poutine au Canada, la meilleure, c'est au Québec. Le mets en tant que tel, si on veut vraiment y donner une propriété, si les gens y tiennent, ben, je pense qu'il faut vraiment prendre la bonne, puis c'est celle québécoise. C'est un peu la question controversée ici, parce que je pense que c'est un bon moment pour réfléchir à cette idée-là, celle de l'appropriation culturelle. Est-ce qu'on est en train de voir ça un peu avec la poutine? Ben, je pense qu'on le voit moins, au sens où ça a fait beaucoup jaser l'apparition de mon article qui a été d'abord repris au National Post. Qui a fait son chemin dans les différents médias au Canada, aux États-Unis aussi, jusque même au New York Times. Ça a fait beaucoup jaser, mais je pense qu'il n'y a plus de débat aujourd'hui. La poutine, elle est québécoise et c'est un peu fin de l'histoire à ce sujet-là. OK, parce que moi, dans ma tête, il y a beaucoup de gens qui disent, ah, l'appropriation culturelle, admettons, ça n'existe pas, t'sais, ou c'est quelque chose de ridicule, mais t'sais, si, admettons, la poutine est vue comme un mets canadien, mais c'est quelque chose qu'on peut se poser, nous, sur comme peut-être nos propres habitudes d'appropriation culturelle qu'on n'y pense peut-être pas généralement quand on le fait, t'sais. Ben, tout à fait. Puis c'est là que ce débat-là, je le trouve magique parce qu'il peut venir faire réfléchir des gens, finalement, qui viennent rejeter du revers de la main le concept parce qu'ils sentent finalement que ça ne les touche pas. Mais dès que ça touche leur poutine, là, tout d'un coup, le concept serait valide. Donc, ce deux poids, deux mesures-là est absolument croustillant. Et je pense que ça vient montrer à quel point l'appropriation culturelle, c'est un concept important à respecter. Après, ça peut prendre plusieurs formes, dépendamment du contexte. Je le répète, dans le cas de la poutine, puis du contexte du Québec, c'est pas le fait d'en manger, c'est pas le fait de la préparer différemment par d'autres gens qui ne s'identifieraient pas comme Québécois ou comme Québécoise. C'est simplement comment est-ce qu'on appelle le mets dans sa culture d'ancrage qui est québécoise. Si les gens continuent à vouloir dire que c'est canadien ou du nord-est des États-Unis, ils peuvent le faire, ils vont juste être un petit peu dans l'erreur, comme quelqu'un qui dirait qu'un mets de cuisine vietnamienne, ce serait de la cuisine chinoise. Et tu peux le faire, mais t'es peut-être pas assez savant sur le sujet. Il y a une citation intéressante dans ton papier, une citation d'Arjun Appadurai, je pense que comme ça qu'on prononce le nom. Oui, plus ou moins oui. Je ne l'ai pas dans mes notes, la citation, mais essentiellement, je ne sais pas si toi tu l'as. J'ai la citation en anglais sous les yeux. Je peux en parler. Je pense que ça fait le lien justement entre la dynamique Québec-Canada, mais que c'est une dynamique qui se retrouve finalement dans plusieurs autres contextes, dans plusieurs autres places dans le monde. Ce que Appadurai vient dire finalement, c'est que dans un monde globalisé comme on a, mondialisé comme on a aujourd'hui, ça vient parler finalement de la crainte de plusieurs groupes de devenir ce qu'il dit américain là, ou l'américanisation. Mais ce n'est pas toujours la plus grande menace qui est perçue par différents groupes qui sont plus minoritaires, comme ça peut être le cas là, pour la culture, les Québécois finalement en Amérique du Nord, qui sont quand même là, avec une langue, une culture très distincte, les francophones d'Amérique du Nord. Il y a d'autres peuples comme ça, finalement, qui ont moins à craindre de l'américanisation que de d'autres grands groupes qui sont adjacents d'eux. Puis Apadura est bien nommé, finalement, par exemple, les Coréens qui ont plus peur probablement du Japon que des Américains, du point de vue culturel, évidemment, là, ou les Sri Lankais, ce serait plus les Indiens, Cambodgiens, devenir Vietnamiens. Etc. Pour ce qui est des j'essaie de traduire en même temps, là, je lis, là, mais les gens de l'ancienne URSS, ils ont peut-être un peu plus peur, l'Ukraine a peut-être un peu plus peur des Russes, disons, que des Américains actuellement. Puis ça vient finalement mettre en relief le contexte propre au Québec où finalement, ben, en plus de tout ça, l'historique entre le Québec et le Canada vient faire remonter un petit peu. Ben, la préoccupation de bien nommer les choses, puis de redonner finalement à la poutine, de pas redonner, mais de donner à la poutine l'appellation juste qui vient s'ancrer au Québec. Donc, c'est un petit peu une dynamique qu'on voit finalement dans plein, plein, plein d'autres endroits dans le monde, là. Ben c'est ça que je trouve quand même assez intéressant avec l'article, c'est que ça ouvre un peu aussi ça lève le voile sur comme d'autres combats similaires à travers le monde auxquels on réfléchit pas nécessairement à tous les jours ou qu'on connaît juste pas. Comme tu sais, c'est rare qu'on va penser aux relations entre le Cambodge puis le Vietnam, tu sais. Ouais, puis c'est là que les food studies ont leur pertinence, puis que c'est intéressant. Ce que moi, je trouve personnellement super intéressant à analyser ces contextes-là par la nourriture, c'est que ça nous permet de parler d'enjeux beaucoup plus grands que la poutine que la nourriture, mais d'une façon plus neutre. Personne ne se sent attaqué, puis on peut échanger finalement sur des enjeux très, très... très, très fondamentaux, finalement, là, sur ce que représente, ce qu'est la culture québécoise, qu'est-ce que ça représente le Québec pour le Canada, ce que représente le Canada pour le Québec et pour le reste du monde, ultimement. Puis, je pense que la façon que le Québec se projette à l'international, c'est hyper important pour faire valoir cette culture-là, là, parce que, rappelons-le, justement, elle est dans une mer, finalement, adjacente à plusieurs autres grands groupes qui ne vont pas la valoriser de leur côté nécessairement. Donc, faut le faire, faut le bien faire. Ouais, c'est ça. Tu l'as mentionné plus tôt que le Québec fait ses preuves un peu comme à l'international, puis que la montée de la poutine comme mets intéressant vient avec ça. Puis je pense que c'est vrai. Il n'y a jamais eu autant de Québécois qui travaillent comme ou qui font rayonner la culture québécoise à l'extérieur de la province, et ça de manière comme je dirais. Je voudrais pas dire fulgurante, là, mais tu sais, le Cirque du Soleil, c'est comme c'est reconnu comme étant, différent de tous les autres cirques, tu sais. Ben oui, il y a cette saveur-là québécoise, puis n'importe quelle culture finalement qui est capable de percer à l'international et tout, ben on va découvrir certains nouveaux traits. Dans notre cas, ça a passé par Céline Dion, ça a passé par le Cirque du Soleil, ça passe beaucoup par la poutine. Il y a probablement d'autres choses comme ça qui peuvent être valorisées pour les autres groupes qui nous connaissent moins, le sirop d'érable évidemment, mais ça fait découvrir finalement tous les pans de la culture, puis sortir un petit peu des clichés, plus on est capable d'avoir des ambassadeurs comme ça, que ce soit des personnes, des plats ou d'autres traits de culture qui vont faire rayonner, ben c'est bon pour tout le monde finalement. Ça permet de partager entre les cultures justement, c'est quoi ces différences-là. Il y a un aspect de l'article qui me rend un peu sceptique, en fait, en bout de ligne. Faut que je le mentionne. C'est à la fin de l'article, puis tu dis que, idéalement, le mets, quand il est servi, la poutine, il est mis en contexte. J'ai beaucoup, juste un peu de difficulté à voir ça opérer dans la réalité. Je sais pas comment toi t'envisages ça. Je pense qu'une des façons de le faire, je pense qu'au Québec, ça se prête moins. T'sais, de facto, là, c'est québécois, on n'a pas besoin de se le rappeler, là. Je pense qu'on veut juste trouver la meilleure, puis point final, avoir un bon moment. Quand on voit, par contre, des stands de poutine ou des poutines servies ailleurs, que ce soit en France, on en a vu, au Vermont, il y en a plein. Dans le Canada, hors Québec, il y en a plein aussi. Si dans ces endroits-là, c'est des drapeaux canadiens qui sont là, puis que c'est souligné comme étant typiquement canadien, Ben, ça pose un problème parce que justement, ça vient identifier finalement le plat à une autre culture que celle à laquelle elle appartient réellement. Puis c'est là, je pense qu'il faut juste avoir le souci lorsqu'on la prépare, on la sert dans des lieux comme ça, de venir, si on veut vraiment le faire, apporter finalement cette saveur-là de à quel état ça appartient, à quelle nation plutôt ça appartient, mais de le faire avec la bonne. Puis, c'est important donc de comprendre d'où ça vient tout ça pour éviter ben, des processus d'appropriation culturelle. Ouais, c'est juste que je me pose la question. T'es quelqu'un au BC qui va manger sa poutine, ou un Américain, genre, qui est dans l'État de Washington, qui a un stand à patates qui vient d'ouvrir à côté de chez lui. Est-ce que, t'sais, c'est quoi l'intérêt de la personne, admettons que la personne qui a le stand à patates, c'est un Américain aussi, puis il aime juste ça, la poutine, parce qu'il a goûté au BC. C'est quoi l'intérêt pour lui de mettre un drapeau québécois sur sa Bien, de poutine, genre? même que c'est l'intérêt de mettre un drapeau canadien. C'est-à-dire qu'il y a un choix conscient qui est fait dans ce moment-là d'associer le plat à bien, un pays ou à une culture ou à une nation. Ce n'est pas le bon qui a été fait dans ce cas-ci. C'est juste important de se questionner. Puis peut-être qu'ils le font avec plein de bonnes intentions, justement. Là, puis pas le temps d'aller leur tirer des roches, là, du tout, du tout. Là. Mais une fois qu'ils savent c'est quoi l'histoire derrière tout ça, je pense que le choix est assez simple, finalement, de mettre le bon drapeau s'il y a un drapeau à mettre. Ouais, y a-tu une manière de. T'es-tu comme un organisme de la poutine qui veut faire rayonner la poutine québécoise à travers le monde ou. L'ombudsman de la poutine. Ouais. J'ai vu récemment des gens qui voulaient amener ça. Ben, c'était un poisson d'avril que j'ai vu, là, qui voulait amener ça, finalement, peut-être à l'UNESCO, patrimoine mondial de l'UNESCO, etc. Je pense qu'il y en a qui veulent aller dans cette direction-là. Je pense pas qu'on en a besoin. Encore une fois, pour moi, le débat est un petit peu clos à savoir que c'est un plat québécois. Puis qu'au Québec, on a la super bonne poutine. Je pense qu'il faut valoriser nos casse-croûtes. Il faut valoriser ce mets-là. Ça ne veut pas dire d'en manger chaque jour non plus, mais ça veut dire d'en être fier. Puis il y a plein, plein, plein d'entreprises indépendantes, familiales qui vivent de ça, qui nous permet là, de se nourrir partout au Québec. Avec ce plat-là qui nous distingue, c'est vraiment beau à voir. Mais il n'y a pas d'organisme nécessairement qui vient rajouter l'administration à toutes ces entreprises-là pour faire les choses d'une manière ou d'une autre. Je pense qu'il faut laisser l'innovation faire son cours. Juste pour en finir avec la question, je me demandais si tu avais un exemple justement aussi d'une mise en contexte d'un plat qui est comme qui est pas la poutine mais qui vient d'ailleurs puis qu'on l'explique comme étant un plat d'une culture particulière. Ben, c'est certain que moi, depuis cet article-là, j'ai pu être approché par différents chercheurs, là, puis j'ai participé là, à l'écriture de certains chapitres dans des livres qui se soucient des dynamiques justement entre la nourriture puis le nationalisme là, pour différents contextes, finalement. Donc oui, il y a plusieurs exemples qui ont pu être étudiés. Il y en avait qui touchaient justement qui peut toucher, par exemple, j'essaie de me rappeler les Kurdes, par exemple, les falafels, pas les falafels, mais les donneurs qui sont offerts dans certains lieux, sont identifiés comme étant turcs, alors que c'est fait par les Kurdes. C'est le type d'exemple qui pouvait revenir là, à savoir exactement à quel groupe est-ce que ce mets-là doit être à appartenir si vraiment il faut mettre une appropriation sur la bouffe, là. Mais donc, il y avait différents mets comme ça qui, effectivement, sont utilisés. Ah, c'est quand même assez intéressant. Je sais pas pourquoi moi je savais pas que les donneurs c'était particulièrement kurdes. Bon, mais je pense pas nécessairement en général, mais dans le cas qui avait été fait au Royaume-Uni pour cette région-là, là, d'une ville en particulier, ben c'était plutôt un donneur qui était kurde que turc. Donc, c'était nommé comme un parallèle finalement avec le contexte ici. Même si c'est très différent, là, mais c'est comment est-ce que chacun se représente finalement la bouffe qui vient être mise en exemple. Ouais, mais c'est quand même assez intéressant. On pourrait être comme, tu parles de l'Angleterre, tout ça, puis je pourrais te poser une autre demi-heure de questions sur l'idée des mets qui sont qui appartiennent à un groupe social particulier, mais qui viennent pas d'un pays, comme où est-ce que ces personnes viennent, comme admettons le curry, je pense que c'est un exemple justement, le curry que tu manges à Londres, c'est pas un mets indien, genre. Il y a plusieurs processus, effectivement, là, j'y vais de mémoire, qui a été utilisé par rapport au curry à Londres, comme quoi il est encore plus piquant que ce qu'on pouvait trouver finalement en Inde. Puis les curry house ont fini par émerger comme étant quand même un trait distinctif, je pense, là-bas. Puis ça ne veut pas dire que ça se retrouve de la même façon finalement en Inde, par exemple. C'est ce qu'on appelle ultimement l'hybridation culturelle, où il y a des groupes qui vont, disons, déménager ou aller ailleurs et qui vont commencer à commercialiser leur mets, puis vont l'adapter au goût local. Puis ce goût-là va être différent d'ailleurs. Donc, il y a des mets qui vont exister, qui n'existeraient pas sans cette hybridation-là. Je veux dire, les cultures ou la culture, il y a deux choses, là. C'est des éléments qui sont appris de un, donc c'est pas inné, puis deux, ben, sont partagés, puis là-dedans, ben, ils peuvent évoluer. Un autre exemple de curry qui n'est pas le même plat exactement, mais le curry japonais, c'est souvent nommé comme exemple, comme étant un plat national, le plat national, parce qu'il est très consommé dans les cafétérias des écoles, de ce que je comprends. Il y en a à Montréal qui en servent, c'est super bon en passant pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion encore d'y goûter. Mais ce n'est pas un plat nécessairement qui est de longue date au Japon. C'est venu de vagues d'immigration et ça a été adapté puis adopté par la suite. Donc, tout ça, c'est ce qui forme les cultures, ce qui forme les cuisines, puis c'est ce qui nous permet aussi à ne pas avoir des cultures qui sont figées, mais qui vont évoluer avec les goûts, là. Donc, la poutine fait partie de ça, où ça n'existait pas avant les années 50. Ça existe depuis les années 50, mais ça nous définit clairement aujourd'hui. Puis il va peut-être avoir d'autres types de mets comme ça qui vont émerger puis qui vont finir par nous définir. Juste deux petites dernières questions avant de clore tout ça. Les questions les plus controversées que je peux te poser. Victoriaville ou Drummondville? Ouais, OK, je comprends. Centre du Québec pour sûr. Pour ce qui est du reste, là, il n'y a pas de consensus académique sur le sujet, donc je ne pourrais pas me prononcer, malheureusement. Mais il y a un beau festival de la poutine à Drummondville annuellement maintenant. J'invite tout le monde à y aller. Puis je pense que ce qui est consensuel, c'est vraiment que ça vient du centre du Québec. Voilà. Et ta poutine de l'heure, c'est quoi présentement? Ça fait-tu longtemps que tu en as mangé une? J'en mange régulièrement. Je suis quand même dans le domaine et je dois me prononcer relativement souvent sur le sujet. Donc, j'aime bien goûter les différentes poutines là, qui sont les grands classiques. J'en ai sur ma liste que je n'ai pas encore goûté. Mais un arrêt que je fais souvent, si je peux le dire, c'est je fais beaucoup la route entre Québec et Montréal, ou maintenant entre Montréal et Québec, je devrais dire. J'arrête souvent à Saint-Liboire, chez Dave et Dan, dans le trajet qui est derrière le Big Stop. C'est une valeur sûre là, avant de reprendre la route. Donc ça, c'en est une que j'affectionne particulièrement ces temps-ci. Pour finir l'entrevue, je me demandais qu'est-ce qui définissait un peu Montréal, dans le Québec. Qu'est-ce qu'il y a de particulier ici? Ben, c'est sûr que depuis le début, on parle beaucoup de la cuisine québécoise, de la poutine. Je pense que Montréal en fait partie, bien évidemment, comme toutes les autres régions qu'il peut y avoir au Québec. À Montréal, il y a une grande diversité de cuisine, une grande diversité de groupes. Je pense quand même un des aspects qui définit, disons, la gastronomie montréalaise ou la vie montréalaise même, c'est ses marchés publics. Avant même de travailler pour les marchés, je pense j'y allais chaque jour ou à peu près. Trois Montréalais sur quatre y vont également. Donc, quand on définit une cuisine, oui, il y a des mets, mais il y a aussi des habitudes alimentaires. Où est-ce qu'on va chercher notre nourriture? Puis dans les marchés publics, en ce moment, c'est le temps des récoltes. Que ce soit le marché Jean Talon, le marché Atwater, le marché Maisonneuve ou les marchés de quartier, c'est le temps d'aller rencontrer vos marchands préférés qui sont là avec leur passion, leur expertise, les meilleurs produits. C'est vraiment un mode d'achat qui est zéro déchet, circuit court, etc., etc. Je peux en parler longtemps, mais je pense vraiment un des aspects, c'est pas le seul, mais un des aspects fondamentaux de Montréal, puis de la culture, de la gastronomie montréalaise, c'est les marchés. Les chefs y vont, les consommateurs y vont, les tendances émergent beaucoup de là. Même pour la petite histoire, je crois bien que le brocoli, on l'a pas toujours consommé. Les premiers brocolis vendus, ça devait être au marché Jean Talon à Montréal, à la petite Italie. C'est vraiment là que ça émerge. Puis j'invite tous ceux et celles là, qui ont intérêt pour la gastronomie là, de visiter les marchés pour voir justement cette dynamique-là là, des différentes cultures qui sont présentes. Bien, on va aller voir les marchés publics de Montréal. Merci beaucoup d'être passé à l'émission, d'avoir pris de ton temps. C'était super intéressant. Merci à toi, Gabriel.